Stephen King aime la météo, Stephen King aime les conseils municipaux, Stephen King a scénarisé La Tempête du siècle et Craig R. Baxley l'a réalisé. Bienvenue au vidéoclub de Castle Rock. Déjà, bonne année. Ah oui, c'est vrai, ça sera l'épisode de... Bonne année. Car je suis avec Chris, comme d'habitude. Bonjour, comment vas-tu, Sam? Très bien, et toi? Bah, écoute, très bien. Tes fêtes de Noël se sont bien passées? Elles se sont bien passées, on a un Noël plutôt doux cette année, des températures étranges pour Noël, mais bon. Et je te demande pas de Noël de ton réveillon de Nouvel An, parce qu'on enregistre avant. Voilà. Voilà. Je propose qu'on y aille tout de suite pour La Tempête du siècle. Pourquoi perdre du temps? Alors, comme d'habitude, nous allons spoiler le téléfilm, donc si vous ne l'avez pas vu et que vous ne voulez rien savoir, allez le voir avant. Prévoyez du temps, il y en a pour 4h30, et revenez nous écouter ensuite. C'est parti! A storm is coming. The kind you can't prepare for. The last one of the century. It's bringing something with it. Something you've never seen before. Give me what I want, and I'll go away. Refuse me, and I assure you, I can punish. For the first time ever, a Stephen King original, written directly for the screen by the master himself. What could he possibly want? Sure, we'll find out. Only one man. Only one network. Dares to be this original. Give me what I want, and I'll go away. ABC is taking February by storm. Stephen King's Storm of the Century, February 1999. Donc La Tempête du siècle, ça se passe sur une petite île qui va être complètement isolée pendant quelques jours du reste du monde à cause d'une énorme tempête qui va détruire une partie de l'île et les moyens de communication. Et le jour où la tempête débute, un étranger arrive sur l'île, il s'appelle André Linoge. Il tue une petite vieille puis se laisse capturer par les autorités locales, mais il semble connaître les secrets de tout le monde. Au fur et à mesure de la tempête, il va manipuler plusieurs gens de l'île, les pousser au suicide, en disant qu'il partira quand on lui donnera ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, il se trouve que ça va être un enfant de l'île pour lui servir de successeur. Alors bien évidemment, pour cette œuvre, il ne va pas y avoir de rubrique livre, puisque c'est un scénario original de King, donc on passe directement à la rubrique film. La Tempête du siècle, c'est un téléfilm en 3 parties de 1h30 chacune diffusé sur ABC entre le 14 et le 18 février 1999. En France, ça a été diffusé pour la première fois sur M6, en 2 parties seulement pour une durée de 3h30, donc il y a eu pas mal de coupes, j'ai pas trouvé lesquelles. ABC avait commencé à adapter du King avec la mini-série Ça en 90, puis ensuite il y avait eu Le Fléau en 94 et Shining en 97, et ces deux derniers étaient scénarisés par King lui-même. Ça a été des assez gros succès, un peu plus modérés dans le cas de Shining, parce que King le dit dans le commentaire audio, il dit « j'aime pas dire ça en tant qu'auteur, mais le film de Kubrick a fait de l'ombre, les gens voulaient pas voir de nouvelles versions de Shining ». En même temps, vu la tête de la nouvelle version, on y reviendra, mais voilà. Je comprends les gens. On y reviendra quand on tombe dessus. ABC souhaitait donc renouveler l'expérience, et King se sent en plus à l'aise avec le format mini-série, parce qu'il dit qu'il est un auteur qui a tendance à avoir beaucoup de mal à enlever des choses, et avoir plutôt tendance à en rajouter quand il écrit. Et donc le format film, pour lui, il se sent trop emprisonné, surtout quand il fait une adaptation d'une de ses propres œuvres, il a beaucoup de mal à faire des coupes. Tandis que dans le format mini-série, il a un peu moins à le faire. Donc c'est un format qu'il aime bien. Cette fois-ci, il propose d'écrire un scénario original, en partie parce qu'il en avait assez que les anciennes mini-séries soient accueillies par beaucoup en les comparant aux romans, que ce soit de manière positive ou négative, et il voulait aussi pouvoir surprendre même ses lecteurs les plus fidèles qui avaient déjà lu tous ses bouquins. Il voulait pouvoir leur apporter quelque chose de frais et pas juste quelque chose dont ils connaîtraient les rebondissements. Le projet de La Tempête du siècle, il l'avait déjà avant, mais au début il pensait en faire un roman, et puis quand il a eu cette occasion-là, il s'est dit qu'il y avait beaucoup d'images fortes dans sa tête, et que donc ça pouvait donner une bonne mini-série. Dans la préface du scénario imprimé, il parle notamment de l'image d'André Linoges immobile dans sa prison. Alors dans ce projet, King voulait montrer une petite communauté qui fonctionne en grande partie parce qu'elle a ses secrets et parce qu'elle est refermée sur le monde, donc il y a des secrets qui sont cachés de la communauté d'ensemble, qui sont cachés au reste du monde, et des secrets de chacun au sein de la communauté qu'il dissimule à tous les autres. Certains très graves, d'autres beaucoup moins. Et il voulait montrer différentes façons de réagir face à ces secrets. Il y en a qui ont honte, il y en a d'autres qui font de leur mieux pour carrément les oublier. Il y en a qui vont en porter le poids ou essayer d'en diminuer la portée. Il voulait vraiment étudier cette thématique-là. Mais dans l'idée, chacun a peur de voir ses secrets dévoilés, et King dit que c'est pas un reproche en soi, que lui-même, il aurait cette peur-là, de toute façon, il a aussi ses secrets honteux, entre guillemets, pas forcément graves, mais c'est la vie privée, tout simplement. Oui, on a plus ou moins tous, quoi. Oui. Quels sont tes secrets, ça ? Oh, je ne les donnerai qu'à ceux qui nous enverront beaucoup d'argent. Ah, tu es donc vénal, c'est ça ton secret ? Bah bien sûr, c'est pas un secret, ça. Pourquoi je serais sur internet sinon? Tu ferais pas des podcasts? Oh, je suis vénal mais pas doué. Donc King voulait montrer dans quel état de peur la révélation de ses secrets pouvait plonger les gens et les rendre prêts à obéir à peu près n'importe quoi. Et ce thème était selon lui exacerbé par le fait que cette communauté était isolée sur une île et donc coupée du reste du monde de manière géographique. D'autant plus avec la tempête qui arrive. Oui, c'est un petit peu le Mont Saint-Michel, mais version King. Oui, c'est ça. Alors, c'est l'île de Little Toll qui sert aussi de cadre à Dolores Claiborne. D'ailleurs, elle est mentionnée à un moment dans le téléfilm. Exact. Aussi, dans ce téléfilm, le héros est plein de bonnes intentions. C'est un héros plutôt pur, mais par contre, il est très impuissant face à la menace qu'il y a face à lui. Ça aussi, c'était quelque chose que voulait King, qu'il n'est pas un héros super puissant et capable de tout résoudre. Et finalement, King, même s'il considère pas ses personnages comme foncièrement mauvais, du fait qu'ils ont quelque chose à cacher, ça c'est pas suffisant pour les rendre mauvais, enfin pas tous en tout cas, parce qu'il y en a, c'est quand même des trucs bien glauques, King considère tout de même qu'il méritait pas d'avoir une fin heureuse à cause du choix qu'ils font de sacrifier un enfant. Il dit « ça, même si c'est pour sauver toute l'île, ça mérite pas qu'ils aient une résolution heureuse ». Donc la fin est plutôt très sombre. King, d'ailleurs, dans le commentaire audio, dit que pour lui, le sacrifice de l'enfant à la fin, c'est comparable, notamment aux parents qui ont sacrifié leurs enfants pour des guerres, notamment pour le Vietnam. C'est une autre thématique qui est assez régulière chez King, comme chez beaucoup d'Américains de sa génération. Ouais, qui ont été touchés par cette guerre. Ouais. Et donc, pour King, l'île devait porter le poids de la décision qu'ils font au final. Ils devaient pas s'en sortir en toute impunité et reprendre leur vie normalement après ça. Ils devaient emporter le poids, certains en souffrent, certains vont se suicider à cause de ce qu'ils ont fait. Et c'est pour ça qu'il y a un focus sur la destinée de tous les personnages en toute fin de... Ouais, c'est ça, ils voulaient pas donner l'impression que ça s'est résolu de manière heureuse une fois la tempête passée. Et ça, ça a été jugé scandaleux par une partie des spectateurs qui ont été très énervés par cette fin, qui ont jugé que c'était une arnaque d'avoir une fin malheureuse à un téléfilm comme ça. C'est peut-être l'époque qui voulait ça. C'était plutôt inhabituel à l'époque. Oui, d'avoir des... Même si, même si ça et Shining ne finissent pas à proprement parler très très bien, ça reste quand même globalement des fins plus heureuses. Oui. Donc oui, ça a choqué, mais King pensait que ça choquerait, que les gens se sentiraient atteints, mais il pensait pas que ça énerverait les gens. La diffusion américaine s'est donc faite en 3 parties d'une heure et demie, et pour chaque partie d'une heure et demie, c'était en 7 petits segments, il y avait 6 coupures pub. Je suis toujours assez... affligé de voir le nombre de coupures pub à la télé américaine. C'est pareil avec les séries télé. Hein. Oui, mais c'est quand même énorme. C'est pour ça que les séries télé de Network sont pensées pour avoir un mini cliffhanger au moins toutes les 6 à 10 minutes pour pouvoir caser une coupure pub. Oui, je sais bien, mais c'est monumental autant de pubs. Oui, c'est même scandaleux. Mm-hmm. On s'y dirige aussi chez nous. Hein. Ouais, mais moi, je regarde plus la télé, donc à la limite, je m'en fous. Mais... Oui, moi, je regarde plus la télé, mais je sais par exemple que maintenant à la télé, il y a 2 coupures pub par film. Le soir. Ouais. Et on se dirige probablement vers une troisième bientôt. Bah après, si ça peut empêcher les networks privés possédés par des gens pas forcément très, très sains, pourquoi pas, mais c'est un modèle qui me dérange un peu quand même. Mmh. Toujours est-il que, comme il savait qu'il y aurait cette contrainte, à l'écriture, King a tout de suite envisagé son récit comme étant en trois grosses parties et en plusieurs chapitres à l'intérieur qui correspondent donc... Enfin, il y a une coupe à chaque coupure pub et doit y avoir un cliffhanger avant chaque pub. Donc ça se voit d'ailleurs dans le scénario, et on reprend cette division-là dans le scénario. Oui, parce que c'est vrai qu'on n'a pas indiqué, mais il y a eu quand même une sortie de livre. Ouais, en France, c'est chez Albin Michel d'abord, puis c'est ressorti, je pense, au livre de poche. C'est plutôt sympa à lire, il y a quelques différences avec la version filmée, parce que le scénario est sorti avant les derniers remaniements du téléfilm au cours du montage. Après, globalement, c'est quand même ça suit de très très près. Puis il faut apprécier lire un script, ce qui est pas... Ouais, c'est ça. Moi, c'est un truc que j'aime beaucoup, et je regrette que ça n'ait pas été fait pour les King télévisuels suivant ces autres scénarios originaux. C'est vrai que Maximum Overdrive serait... Non, mais Rose Red et Kingdom Hospital, pourquoi pas? Puis après tout, on a bien le scénario de Peur Bleue. Hein. Oui, c'est vrai. Le plus gros problème au cours de l'écriture, ça a été apparemment la surveillance de certains exécutifs d'ABC, qui a un comité de censure en fait interne à la chaîne, enfin qu'il avait à l'époque, je sais pas s'ils l'ont toujours. La fin, apparemment, ils l'ont accepté assez facilement, mais par contre, ils ont parfois voulu faire censurer des images ou des expressions pour des raisons jugées futiles. Notamment, ils donnent l'exemple d'un moment un personnage qui dit « It's one mother of a storm », et les dirigeants d'ABC pensaient que le terme « mother », c'était une abréviation de « motherfucker » dans le contexte. Donc King a dû promettre que l'acteur prononcerait pas la réplique sur un ton tendancieux, pour que ça passe. Mais il dit qu'il comprend leur position, qu'ils ont fait du bon boulot quand même. Bon, après, dans le commentaire audio, il les compare à Hitler, ce que je fais rarement avec les gens qui font un bon boulot, pour ma part. Mais pourquoi pas? Ouais, ouais. Je t'ai jamais comparé à Hitler en disant « tu m'aides bien aujourd'hui, t'es un peu comme Hitler pour l'Allemagne, ouais, pour moi. » C'est bien, ouais. Je l'ai jamais dit. Non, c'est vrai. Voilà. Non, je note que tu me l'as jamais dit, ouais. Du coup, j'aimerais bien voir la gueule des compliments de King. C'est vrai que ça laisse un peu à désirer. Alors, petit jeu, à ton avis, qui est-ce qu'il voulait à la réalisation au départ, King? Bah, Mick Garris, non? Voilà, évidemment. Mais Mick Garris était indisponible à ce moment-là, donc ils avaient déjà fait ensemble Le Fléau et Shining, c'est pour ça qu'ils voulaient le reprendre. Donc, ils se tournent vers Craig Baxley. Craig R. Baxley, même, dont il avait aimé certaines des précédentes réalisations, un téléfilm qui s'appelle The Twilight Man et un autre qui s'appelle The Avenging Angel. Après, j'en ai vu aucune, ça a l'air d'être des trucs de vidéoclub américain. Ouais. J'avoue que j'ai même pas vérifié si ça a été sorti en France. Craig Baxley accepte, il était content de travailler, en fait, pour une fois, sur un projet qui insistait pas mal sur le développement des personnages. Ça le changeait d'habitude. ABC va proposer plusieurs acteurs et actrices célèbres, dont Christopher Walken ou Jeff Goldblum en Linoge. Mais King voulait avoir de relatifs inconnus, surtout dans le rôle du méchant, donc le rôle est finalement donné à Colm Feore, qui est un acteur de théâtre canadien plutôt émérite, très actif au Stratford Festival Theatre, apparemment il a eu pas mal de rôles assez brillants dedans, et qui a aussi joué dans un certain nombre de séries, dont 24 heures chrono dans la saison 7, je crois, et House of Cards, et aussi dans des téléfilms et films, c'est lui qui joue Lofé dans Thor, alors je me rappelais même plus qu'il y avait ce personnage-là dans Thor. D'accord. Quoi qu'il en soit, on aurait quand même préféré que ce soit Walken. Ou même Jeff Goldblum. Mais c'est vrai que Walken aurait eu une classe assez dingue dans ce rôle-là. Walken a plus la gueule de l'emploi pour jouer un bad guys. Bah, le type de bad guys de ce film-là, voilà. Surtout, ouais. Ça aurait donné un personnage assez proche, je pense, de Max Schreck dans Batman Returns. Oui, voilà, c'est ça. Alors Goldblum... Goldblum, il a plus une tête de méchant rigolo, quoi. Ouais. Dans le rôle de Mike, on a Tim Daly, qui avait déjà joué un des rôles principaux dans la sitcom Wings, qui apparemment est pas mal réputé, et qui double Superman dans la série animée des années 90. D'accord. Donc il double Superman et Clark Kent, il fait deux personnages. Ouais, je sais. Bon, c'est de loin l'acteur le plus connu du casting à l'époque, et en fait encore aujourd'hui, parce que le reste du casting... Ils ont parfois fait quelques films, mais globalement ça reste des acteurs télé ou de théâtre pour certains, donc je vais juste passer rapidement sur certains noms, mais sans détailler plus que ça. Dans le rôle de Molly Anderson, la femme de Mike, on a Debra Farentino. Dans le rôle d'Ursula, qui est un peu la standardiste, qui est une bonne actrice, je trouve, dedans, on a Becky Ann Baker. Hatch, c'est Kazé Simasco. Kirk, Denise Forrest. Et Jenna, Nikki Guadagni. Et dans le rôle du maire Robbie Bills, pardon, on a Jeffrey Demum, qui avait déjà joué un petit rôle dans Les Évadés, et jouera plus tard dans La Ligne Verte et dans The Mist, parce que c'est un des acteurs favoris de Frank Darabont. Ouais. Donc on le retrouvera régulièrement, et il joue Dale dans les deux premières saisons de Walking Dead. Mais je vois plus qui c'est Dale. C'est le propriétaire du Coming Car. Ok. C'est Ted. Ouais, ah bah, j'ai vu la première saison, hein, mais bah, j'ai pas un souvenir très marqué, on va dire. Et il y a un truc qui m'a fait marrer, c'est celui qui joue le rôle du fils du maire, Spencer Brelin. Il a continué comme acteur et il a été nommé pour le prix du meilleur acteur de moins de 10 ans dans un téléfilm au Young Artist Award pour le plus beau cadeau de Noël en 2000. Ça m'a fait marrer. Et c'est le frère de l'actrice Abigail Brelin, qui a joué entre autres dans Little Miss Sunshine et qui a une carrière toujours sympa actuellement. D'accord. Le scénario est écrit entre décembre 96 et février 97. Le réalisateur est choisi en mars 97, après un dîner d'eau à un restaurant qui était géré par Naomi King. Et le tournage commence fin février 98, donc c'est une pré-production plutôt rapide. King en était très content. Le film est tourné dans le Maine avec un budget de 35 millions de dollars. Les scènes en extérieur sont filmées en partie dans une ville réelle et en partie en studio. Il y a une grande usine abandonnée qui a été aménagée en studio en reconstruisant des rues complètes de la ville à l'identique. Entre autres pour mieux gérer les problèmes liés à la neige. Et apparemment il y a 2 millions qui ont été dépensés rien que pour la fausse neige. Le chef décorateur s'appelle Craig Stearns, je le mentionne parce que je trouve qu'il fait un super boulot, les décors sont vraiment classe dans l'ensemble. Il a travaillé sur pas mal de séries, et surtout sur des séries liées à King, puisqu'on le retrouve aussi sur les autres réalisations de Baxley, donc sur Kingdom Hospital, Rose Red et le journal d'Ellen Rinbauer, ainsi que sur Quicksilver Highway et Shining. Toujours pas celui de Kubrick. Et sur The Mask aussi, il a travaillé. Ah, tiens. Aux effets spéciaux, on a Michael Cavanagh, qui a tout de même travaillé sur X-Men, K-19, Jumper, l'incroyable Hulk, Red, et la série 12 Monkeys et La Servante Écarlate. Et donc du gros budget, ouais. Ouais. Et sans être crédité, sur Scott Pilgrim et Pacific Rim, et ça m'a fait marrer parce que sur Scott Pilgrim, il était assigné à la neige, apparemment. Le poste un peu merdique, quand même. Un peu. Et enfin, le dernier membre de l'équipe que je trouve intéressant à mentionner, c'est Gary Chang, qui est le compositeur de la musique. C'est un compositeur très régulier de Craig Baxley, donc on le retrouvera de nouveau sur les autres collaborations de Baxley et King. Et il est mentionné comme ayant travaillé sur un morceau de la BO du Syndicat du Crime 2. Mais je pense que ça doit être un morceau qui a été repris, parce que je vois pas ce qu'il sera allé foutre là-bas, en fait. Enfin, pourquoi John Woo, tout d'un coup, sera allé appeler un compositeur américain? Très étrange. Donc j'ai pas trouvé plus d'informations sur toute la piste, je l'ai pas retrouvé dans le Syndicat du Crime 2, donc je sais même pas quelle piste c'est. Et je trouve que là il fait un très bon boulot, avec des thèmes au piano assez répétitifs qui deviennent un peu obsédants à force, ouais. Et qui par de légères variations peuvent facilement servir à la fois à des ambiances légères au début et à la fin, et à des ambiances beaucoup plus lourdes et pesantes au pire de la tempête. La BO est très intelligente. Ouais. Donc il y a pas mal de pistes d'ambiance qui sont plus ennuyantes, on trouve la BO complète sur YouTube, il y en a pour 2 heures, donc forcément c'est un peu longué des fois. Mais globalement, c'est quand même un très bon travail musical. Les 3 épisodes qui sont diffusés les 14, 15 et 18 février 1999 sont vus par environ 19 millions de personnes, c'est à peu près autant que pour le fléau, et l'accueil critique de l'époque est globalement très positif. La série reçoit l'Emmy du meilleur montage sonore pour une mini-série, le Saturn Award du meilleur téléfilm en 2000, et l'International Horror Guild Award du meilleur programme télé la même année, tout en étant nommée à plusieurs autres prix qu'elle ne reçoit pas. Et ça reste aujourd'hui une œuvre bien appréciée, 77% de fraîcheur sur Rotten Tomatoes, et 3,4 étoiles sur Allociné. Et Mad Movies dit dans son numéro spécial King que c'est peut-être la meilleure adaptation télévisuelle d'un King. J'ai pas vu toutes les autres, mais bon, après la concurrence est pas folle dingue non plus. Donc. Et King aujourd'hui reste très satisfait de ce travail, il en est très fier. Dans son livre qu'on a déjà mentionné, Stephen King Goes to the Movies, il le met dans la liste des 10 adaptations de son œuvre qu'il préfère, même si c'est pas exactement une adaptation. Ça montre quand même que c'est quelque chose auquel il tient, pour lequel il y a toujours une haute estime. D'accord. Peter Goetzel, mon marchand de poissons préféré qui se tient là devant moi coude à coude avec mon politicien préféré. Comment marchent les affaires en ce moment? Pas très réjouissant, hein? Heureusement que la marijuana met un peu de beurre dans les épinards. Combien de kilos y a-t-il planqué dans ton entrepôt alors qu'il est 10, 20, 40? Tu as intérêt à les protéger. Ce soir, il va y avoir une tempête du tonnerre quand la marée montera. Ça suffit, avancez! Kate Withers, tu as l'air en forme, mais cela n'a rien d'étonnant. Ce n'est qu'une simple formalité de nos jours. Cependant, je doute fort que tu aies osé l'avouer à tes parents ou à Billy. Avancez! Ou tant pis pour vous. Je pense que tu devrais leur dire. Qu'est-ce qu'une petite dispute entre gens qui s'aiment? Et donc justement, je pense qu'on va maintenant pouvoir passer à nos avis, à nous. Chris, qu'as-tu pensé de La Tempête du siècle ? Alors, après un premier épisode que moi, personnellement, j'ai trouvé longué, il me semble que de ton côté, un peu moins. Moi, le premier épisode, je l'ai trouvé très long à se mettre en place. Et après, à partir de l'épisode 2, là, ça commence à prendre son sens. Mais ouais, je trouve le début assez laborieux. Une présentation des personnages pas très intéressante, j'ai trouvé. Alors, j'ai pas réussi à mettre la main sur une version VO. J'ai vu le film en VF, chose que je fais quasiment jamais, mais bon. Tant pis. Ça joue peut-être. Peut-être que le doublage n'étant pas d'une grande qualité, j'ai trouvé. Peut-être que je suis passé à côté de toute cette introduction des personnages. Les acteurs jouent pas mal, globalement, en VO. Surtout celui qui joue le rôle principal, le rôle de Mike. C'est ce que tu me disais, oui. Après, il y a 2-3 moments où c'est plus inégal. Les enfants, souvent, c'est pas top. Mais niveau jeu, ça reste très au-dessus du fléau, par exemple. Mais par contre, le casting vocal est loin d'être un casting dégueulasse, parce que Mike est doublé par le doubleur attitré de Tom Hanks et Tom Cruise. D'accord, oui, quand même. Voilà, ouais. C'est quand même un doubleur qui sait y faire, quoi. C'est pas le premier venu, quoi, qu'on a pris. Et non, globalement, c'est même des voix assez connues. C'est juste que bah, peut-être que c'était un manque de motivation sur le projet. Oui, ou que ça a été fait un peu en rush aussi, hein, voilà, c'est possible. C'est aussi possible. Ça reste un téléfilm, c'est M6 qui a produit l'adaptation en faisant des coupes. À mon avis, il y a moyen qu'ils aient pas eu beaucoup de temps et pas beaucoup de budget pour faire un doublage correct. Voilà. Mais ouais, j'ai trouvé cette présentation de personnages un peu longue, un peu chiante, jusqu'au moment où bah, l'intrigue commence vraiment à se mettre en place avec... alors pas l'arrivée de l'antagoniste, parce qu'il arrive très tôt dans le téléfilm, il commet son meurtre assez tôt aussi. Vraiment, à partir du moment où il est en prison et où il commence à manipuler un petit peu son monde, là on commence à rentrer dans le sujet et on commence à arriver dans quelque chose d'intéressant. Alors moi, pour un premier avis rapide, avant d'entrer dans les détails, ce que j'aime beaucoup dans la série, ça va être son ambiance. Je trouve que vraiment, il y a quelque chose qui marche à ce niveau-là. Et le développement de certains des personnages qui est plutôt bien mené. Pareil, à partir du moment où la tempête commence à se développer, il y en a... Alors, c'est pas de la grande psychologie non plus, mais il y en a quand même qui ont un développement assez fin pour les amener vers le final. Après, moi, contrairement à toi, le truc qui va vraiment me déranger dans ce téléfilm et qui marche pas très bien, ça va être justement l'intrigue. Bon, on peut y venir tout de suite, en fait. La partie où Linoge est en prison, je la trouve super longue. King, je comprends ce qu'il a voulu faire en mettant... Enfin, en faisant en sorte que Linoge mette très longtemps à dévoiler ce qu'il veut. Ça permet de faire monter l'attention, de faire que toute la ville est déjà terrifiée par lui au moment où il va enfin dévoiler sa volonté, et donc que ça apparaît relativement un bon marché, malgré le fait que c'est horrible. Mais le souci, c'est que ça fait 3 heures où il arrête pas de dire « Donnez-moi ce que je veux et je partirai ». Et moi, ça m'agaçait plus qu'autre chose, parce que je dis « Mais dis ce que tu veux, communique, putain !» C'est ça. Du coup, ça me faisait pas du tout peur. Ça, à chaque fois, je disais juste « Ouais, mais enfin... » Finalement, il n'y a aucune décision possible de la part des héros. L'intrigue ne peut pas avancer, vu qu'on ne sait pas ce que veut le méchant. Donc j'ai l'impression qu'il y a une stagnation, malgré le fait que la ville sombre de plus en plus dans le chaos. Bah, jusqu'à la moitié, clairement, jusqu'à la moitié de l'épisode 3, puisque on connaît ses motivations vraiment à partir de la moitié de l'épisode 3. Jusque-là, les personnages, c'est juste des pantins, en fait. Ils subissent plus qu'autre chose, et ils peuvent rien faire contre. Ouais, c'est ça. Et même toi, en tant que spectateur, bah, vu que tu ne connais pas les enjeux, bah, c'est compliqué pour toi de te mettre, d'avoir une vraie tension sur ce qui se passe. Ouais, il y a 3h30 qui passent avant qu'il dévoile son plan. Ouais, voilà, c'est ça. Donc on arrive à peu près la moitié de l'épisode 3. Ouais, c'est ça. C'est énorme. C'est même beaucoup trop. Parce que comment créer un enjeu, du coup ? Oui. Et puis la fin, du coup, est trop rushée parce que... Pour moi, c'est l'autre défaut du film. Je veux bien l'idée qu'il y ait la majorité qui va accepter le sacrifice d'enfants, mais absolument tous, à l'exception de Mike, c'est trop. C'est trop. C'est trop gros. Et le débat aurait mérité de durer plus longtemps. En fait, j'aurais bien aimé voir des types de réactions qui auraient été intéressantes. Par exemple, des gens qui auraient été scandalisés et qui, après, peu à peu, en fait, auraient perdu leur courage et ce serait finalement lié à la masse. Ça aurait été intéressant de traiter ça. Tandis que là, non, là, c'est même à Vichy, ils auraient trouvé ça honteux, quoi, de voir ça. Ils acceptent tout de suite tous. Même on voit bien qu'il y en a qui le font à reculons, mais quand même. Même les parents, c'est surtout ça qui est étrange. Ouais. Tous les parents de la communauté sont limite OK, quoi. Ouais. Alors j'ai l'impression que c'est essayer de faire passer un petit message sur la pression sociale avec la femme de Mike Anderson, Molly, qui dit qu'elle veut pas prendre cette décision seule, justement, qu'elle veut la prendre avec la communauté, ouais. Qu'elle veut pas avoir à porter le poids toute seule. Je trouve qu'il y a un peu un paradoxe entre d'un côté la communauté l'aide et de l'autre la communauté fait pression sur elle pour qu'elle accepte ce sacrifice au nom de tous. Ce qui aurait été un thème intéressant à développer plus, mais je pense qu'il aurait fallu qu'au plus tard, la révélation des enjeux arrive au tout début de l'épisode 3, qu'on ait tout un épisode centré là-dessus. C'est ça. Sur le choix, et ce à quoi va conduire ce choix. Et donc oui, pareil, le méchant, en fait, ce côté méchant mielleux qui connaît tout sur tout, qui perd jamais son calme, c'est un peu un cliché, et c'est un cliché qui a tendance à un peu m'agacer. Et surtout, ça rejoint un autre cliché qui m'énerve beaucoup, c'est les personnages n'insistent jamais pour savoir ce qu'il veut. Oui. Alors, je suis pas pour les violences policières, mais au bout d'un moment, le mec a tué une vieille à coup de canne, il sait tout sur tout le monde, il a limite pris un enfant en otage, oui. Il a poussé deux personnes au suicide. Dont une de manière assez dégueulasse. Au bout d'un moment, les méthodes Gestapo t'y passent peut-être. Parce que bon... Pousser quelqu'un à se pendre, ok, pousser quelqu'un à s'enfoncer une hache dans le crâne, c'est quand ouais. même un peu plus bourrin. Et c'est, non, mais au bout d'un moment, tu cherches à faire quelque chose, même sans lui cogner dessus, je veux dire, pas forcément en allant jusque-là, mais tu l'interroges, t'es un peu plus dur que juste « qu'est-ce que tu veux ? Tu veux pas le dire ? Oh bah c'est vilain !» Et cette scène qui, au final, est ridicule alors qu'elle aurait pu amener un petit peu de tension, c'est la scène où il est en prison et où il manipule une jeune fille à l'autre bout de la ville pour qu'elle assassine du coup son petit ami. En lui écrasant, je sais plus quoi, une espèce de gros pavé sur la tête, bref. Et du coup, lui fait une les boîte gestes. De conserve. Voilà, c'est ça. Et du coup, lui, une grosse boîte de conserve. Et du coup, lui fait les gestes dans sa prison, mais sauf qu'il a rien. Et à le voir, c'est ridicule. Et voir tous les autres personnages qui le regardent en mode « Mais qu'est-ce qu'il fait ?» Ouais, alors que ça aurait été intéressant à traiter. Et il y a la même chose quand il pousse la mère du maire à se suicider. Tu sais qui fait les gestes de se démaquiller. Oui. Et c'est très bizarre. Et puis en plus, surtout qu'à aucun moment, t'as les autres personnages qui mettent ça en parallèle. Qui se disent « Tiens, il a fait un geste comme s'il soulevait un gros truc pour éclater sur quelque chose, et puis elle a éclaté quelque chose sur la tête de son copain, ouais. C'est bizarre. Bon, après, ils sont en plein chaos, mais... Tu vois, mais c'est pas la première fois qu'ils assistent à ça. Oui. Normalement, tu peux remettre les choses en contexte, quoi. En fait, niveau structure, je pense qu'il aurait fallu que le premier épisode, je trouve que ça va, la structure tient la route. Peut-être que l'exposition est un peu longue, mais il y avait du monde à exposer, donc ça tient la route. Le deuxième épisode, en fait, il aurait fallu que les personnages principaux soient plus actifs dans une tentative au moins d'enquête. Parce que là, à part aller fouiller la maison de la morte, la scène fonctionne très bien d'ailleurs, je trouve. Ils font pas grand-chose. Et le troisième épisode, il aurait fallu que ce soit juste le débat. Il aurait fallu des héros plus actifs. Et par rapport à ce que tu disais sur la manipulation des citoyens, des habitants de l'île par le méchant, en fait, je trouve que c'est aussi une des faiblesses, parce qu'en fait, vu qu'il peut manipuler leurs gestes, je trouve que ça enlève de la force au fait qu'il essaie de les manipuler par le dévoilement de leurs secrets. Oui. Le méchant m'a énormément fait penser au méchant de Bazar, que tu n'as pas lu, je crois. Oui, effectivement, je n'ai pas lu. Mais dans Bazar, en fait, l'intrigue, c'est qu'il y a un type qui débarque à Castle Rock et qui ouvre un bazar, qui a plein d'objets qui vont fasciner les habitants de la ville. Il les vend pour presque rien, mais en fait, en échange de la vente de l'objet et de la bonne affaire que les gens font, il leur demande de réaliser une blague qui a l'air à peu près innocente à première vue sur un autre citoyen de la ville. Et en fait, en faisant ça, il va faire ressortir toutes les tensions cachées de la ville, toutes les disputes, jusqu'à ce que Castle Rock sombre dans le chaos. Mais dans Bazar, il va peut-être les manipuler psychologiquement un peu, et un truc un peu magique dans le fait qu'il y a une fascination malsaine pour les objets qu'il vend. Mais dans les actions des gens, ils agissent librement, sur sa suggestion, mais librement. Et du coup, c'est beaucoup plus puissant, je trouve, que ce que c'est dans La Tempête du siècle. Oui, parce que du coup, dans Bazar, ce que tu en dis, c'est vraiment les instincts des hommes, en fait, qui reviennent à eux-mêmes. Ouais, c'est ça. Qui provoquent ce qu'ils provoquent. C'est vraiment un très très bon livre, Bazar. J'ai hâte qu'on tombe dessus. Tandis que là, finalement, même les suicides, c'est pas des choix. Oui, non, c'est de la manipulation. On sait pas trop, ouais, des fois, si c'est de la manipulation mentale ou vraiment magique. C'est très étrange, en fait, ouais. Des fois, comment ça se réalise. Après, il y a l'idée qu'on peut y résister, parce que, justement, le couple dont la nana tue son petit ami à coup de boîte de conserve, au début, il voulait que ce soit l'inverse, oui. Inoj, mais le mec résiste au dernier moment. Et du coup, c'est pour ça qu'il inverse la situation. Après, je trouve ça intéressant la manière dont il fait feu de tout bois au niveau des secrets, c'est-à-dire il met vraiment au même niveau des secrets qui sont pas du tout honteux, du style le héros qui a triché à un examen, ou même justement la fille du couple qui est juste allée avorter. Oui, alors qu'à côté de ça, il y a le prêtre qui est pédophile. Oui, aussi. Donc il met tout au même niveau et ça crée, je trouve, une ambiance assez malsaine. C'est comme si... Pour lui, du moment qu'on a un secret, c'est tout aussi honteux, et donc même ceux qui n'auraient rien à se reprocher normalement, ou presque rien, vont se sentir beaucoup plus coupables qu'ils ne le devraient. Je trouve aussi que l'antagoniste aurait vraiment gagné à ce qu'on fasse pas autant de mysticisme autour de lui. C'est-à-dire tous les passages où il est dans sa prison et où on le voit se mettre à sourire et où il a des espèces de canines vampiriques qui se met à feuler, c'est ridicule. Ça amène plus le rire qu'autre chose en fait, tellement c'est ridicule. Oui, pareil, je vois pas ce que ça apporte. Ça apporte rien du tout. Et du coup, au final, on se retrouve dans la scène de fin, on se retrouve avec la même chose, mais cette fois-ci avec l'enfant qu'il a décidé d'embarquer. Et c'est tout aussi ridicule. Alors moi, il y a deux trucs qui m'ont fait marrer par rapport à l'apparence du méchant. Déjà, il y a une scène où il est en mode vieillard, parce qu'en vrai, il est très très vieux. Il a son apparence. Son apparence normale, avec une espèce de capuche en train de regarder le phare, et je trouve qu'il ressemble à Palpatine sur ce plan-là. Je me suis dit, c'est bon, on sait ce qu'il a fait entre la trilogie originale. Et l'effet spécial est un petit peu dégueu, parce qu'on voit que c'est de l'effet spécial numérique. C'est pas du maquillage, et donc et donc vraiment l'acteur devait pas trop bouger, et dans ces moments-là t'as que la bouche qui bouge en fait, c'est très bizarre, c'est très particulier à l'écran, ça rend un petit peu dégueulasse. Alors je disais qu'il y a un truc qui m'a dérangé dans les scènes où il est en prison immobile, c'est que je trouve que le mec a une vague ressemblance avec Phil Collins, et surtout dans ces plans où il est immobile comme ça, on dirait la pochette de l'album Face Value, donc je m'attendais à ce qu'il se mette à chanter In The Air Tonight à chaque fois. C'est même pas un très bon album en plus. Donc voilà comment il déconcentrait par Phil Collins. Mais c'est vrai que pour en revenir à lui, l'antagoniste est plutôt raté. Ouais. C'est dommage parce que ses motivations, elles, sont plutôt bien amenées. Oui, et puis la thématique est vachement intéressante, je trouve. C'est le troisième épisode, la scène où ils débattent, et puis la scène où après, quand, une fois qu'ils ont choisi de sacrifier l'enfant, ils choisissent au hasard quel enfant va être sacrifié en piochant des cailloux. Et cette scène fonctionne super bien. Ouais. Je me suis dit qu'elle aurait fonctionné beaucoup moins bien s'il y avait eu des habitants de la ville qui auraient eu la mauvaise idée d'avoir des deux enfants. Ça aurait totalement foutu en l'air les probas. C'est vrai ça. Des enfants cachés. Oui. Mais il y a plein de scènes comme ça qui fonctionnent, je trouve, vraiment très très bien. Bah, la visite de la maison de la morte, quand il prend des photos et qu'on voit juste les éléments gênants à travers le flash de l'appareil, je trouve qu'il y a une vraie tension. En plus, c'est un moyen de déjouer la censure d'ABC en faisant du hors-champ ou en atténuant, grâce au flash, la violence des images, donc c'est plutôt intelligent. Ouais. Mais de toute façon, pourquoi cette scène-là, par exemple, fonctionne bien? Parce que, on va un petit peu en venir aux qualités quand même de cette mini-série, parce que niveau ambiance, ça fonctionne bien, et parce que les décors sont plutôt très joli aussi. Ouais. Et donc ça nous plonge vraiment dans la vie de cette petite ville, parce que oui, quand ils sont dans la maison de cette petite vieille qui s'est fait assassiner, on sent qu'il y a eu une vie en fait avant. Oui. On sent qu'elle y a vécu des choses, et voilà, c'est pareil en fait pour tous les environnements de cette petite ville. Même ce qui correspond à la fin de l'épisode 1, quand ils poussent justement deux habitants au suicide, un à se pendre et un à se fendre la tête, je trouve qu'elle fonctionne super bien. Il y a un montage alterné, il y a une chouette musique, il y a un truc qui. Il y a une vraie ambiance, une vraie tension à ce moment-là. Et puis même en termes de réalisation, de toutes les adaptations télévisuelles qu'on a abordées, c'est peut-être l'une des plus léchées. Oui, on voit que Baxley a une ambition en tant que réalisateur. Il avait un bon budget, mais à ce moment-là, Mick Garris aussi sur le fléau, et il avait de l'ambition, je pense. Et puis même Mick Garris, même sur Salem, hein, je pense que le budget n'était pas dégueulasse sur Salem. Hein. Oui, c'était pas Mick Garris, Salem. Mais, c'est pas Mick Garris, mais oui, c'est vrai que c'était quand même moins ambitieux niveau réalisation. Tu parles comme si on allait tuer cet enfant, Michael, comme si on allait se prêter à une sorte de sacrifice humain. Mais je vois plutôt ça comme une adoption. Et il aura la chance de vivre longtemps. J'y crois. Si on le croit, bien entendu. Et je vous dirais que moi, j'ai tendance à le croire. Franchement, je sais pas quoi dire. J'en crois pas mes oreilles, vous. Linoge a tué Martha Clarendon à coups de canne. Il lui a arraché les yeux avec le pommeau de sa canne. Et nous, on est en train de débattre sur le fait de donner un de nos enfants à ce monstre sanguinaire. Autant vendre tout de suite notre âme au diable. Est-ce que tu veux savoir à quoi je suis en train de penser, Michael? Suppose que t'aies à moitié raison. Suppose qu'on vive et qu'il meure. Est-ce qu'on pourra vivre avec ça? Est-ce qu'on pourra encore vivre ensemble? Et comment est-ce qu'on pourra vivre avec toi? Il nous a donné une demi-heure. Il nous reste 10 minutes, pas plus. Pareil, je trouve, tu parlais des décors, et du coup, je trouve que l'idée de rythmer à peu près la tempête avec les plans du phare, pendant une partie de l'épisode 1 et tout l'épisode 2 jusqu'à ce qu'il s'écroule, en fait, l'avancement de la tempête est montré dans des scènes du phare désert avec des super beaux plans sur l'escalier en colimaçon. Ça fonctionne vraiment très très bien. Un petit peu déçu, par contre, parce que justement, la tempête, on la vend beaucoup comme étant la grosse tempête du siècle, et au final, on voit pas trop les dégâts qu'elle commet sur la ville. Oui. Ça serait ma petite déception, mais après ça aurait valu un budget beaucoup plus vaste et du coup une réalisation beaucoup plus d'envergure. Ouais, et puis en somme la tempête c'est surtout un MacGuffin finalement, elle sert à enfermer les gens. Complètement, mais tu sais ça fait un petit peu l'effet Game of Thrones, tu vois. Winter is coming et puis bah tu l'attends et puis il arrive qu'à la fin, ce con de Winter is coming, puis tu t'en rends même pas compte quoi en fait tellement. Ouais, et puis si j'ai bien compris, il est décevant le Winter Quanticum. Voilà. Voilà, il manque peut-être un liant à tout ça, sinon ça aurait pu vraiment être très solide, je pense, s'il y avait eu juste un peu plus de fil conducteur, quelque chose de plus net. Mais typiquement, je pense que c'est le genre de projet télévisuel qui est né trop tôt, en fait. Parce qu'aujourd'hui, avec les moyens d'aujourd'hui, on voit que quand même le budget télévisuel a quand même bien gonflé depuis quelques années. Je pense qu'aujourd'hui, ça aurait donné un truc qui aurait plus de gueule. Ouais, après, aujourd'hui, ça aurait été en 10 épisodes de 2 heures chacun, donc... Peut-être pas, ça existe encore, les mini-séries très centrées sur elles-mêmes. Oui, je sais, j'abuse un peu. tu sais que j'aime pas le format série. Voilà, mais je t'emmerde. Et les séries t'emmerdent aussi. je sais que c'est un a priori. Mais quand même, quoi. Oh là là. Alors, j'ai un autre reproche à faire, mais alors... Je peux le reprocher à personne strictement parce que c'était une norme de l'époque et on pouvait pas faire autrement. Je trouve que le format 4 tiers, c'est pas du tout adapté pour faire quelque chose de choral. Parce qu'en fait, dans un format comme ça, c'est assez difficile de réunir plusieurs personnages à l'écran s'ils forment pas un petit groupe assez resserré. Ouais, et donc, fort. Du coup, en fait, tu peux pas montrer soit deux groupes ou personnages séparés en même temps à l'écran, ce qui va t'empêcher de créer une tension, enfin une séparation autrement que par le champ contre champ. Quand deux personnages se disputent, t'es obligé d'avoir un champ contre champ, tu peux pas les avoir en même temps à l'écran, parce qu'ils seraient obligés d'être super proches et ça irait pas avec l'idée de dispute. Et tu peux pas non plus créer un sentiment de simultanéité, tu peux pas avoir deux personnages qui font un truc au premier plan et deux autres qui en font un autre à l'arrière-plan. Donc je trouve que ça complexifie la mise en scène de quelque chose de choral. Baxley s'en sort vraiment pas trop mal, mais par exemple dans la scène de débat à la fin, avec un format ne serait-ce que 16/9, ça aurait permis des jeux de mise en scène, de rapports dans l'espace entre les personnages, beaucoup plus fouillés. Oui, parce que la fin c'est très classique, avec que du champ contre champ, comme tu l'as dit, c'est une réalisation très... Mais bon, enfin, c'est... Il n'y a pas le choix, chose, voilà, c'est ça. C'était les impératifs de l'époque, on pouvait pas faire autrement. Ouais, c'est plus une déception face au format en général qu'un reproche en particulier. Oui. Si on peut énumérer tout de même les effets spéciaux qui, même s'ils sont pas honteux, ont quand même pris un petit coup de vieux. Oui. Après, voilà, j'en étais resté aux effets spéciaux aussi du fléau qui était parfois vraiment dégueu. Oui. Donc là, honnêtement... Il y a quand même des effets numériques vraiment moches, quoi. Genre, quand la canne s'anime... Bah, le problème des effets numériques moches, c'est qu'en plus, c'est souvent les plus dispensables, canne et les canines. La canne, c'est vraiment, ça n'a aucun intérêt. Quand ils volent dans le ciel avec les enfants, bon, on sent que c'est fake. Mais ça passe à peu près, oui. Je trouve. Bah, et puis là, au moins, il y a... Comment dire, c'est utile. Parce que ça permet aux autres personnages, à ce moment-là, quand ils sont dans l'église, de montrer ce qui peut arriver à leurs enfants. Donc il y a une vraie raison à mettre cet effet spécial-là. Alors que la canne, ouais, ça ne sert à rien, quoi. Oui, voilà. Il y a aussi des trucs qu'on voit pas beaucoup. Apparemment, il y a pas mal de fonds verts, notamment dans les scènes en véhicule, et ça, je l'ai appris grâce aux commentaires audio, parce que je m'en étais pas rendu compte du tout. D'accord. Donc il y a quand même des trucs qui sont assez bien foutus, visiblement. Et il y a des super belles lumières, je trouve. Alors, en fait, dans les extérieurs, ça a du mal à gérer les entre-deux, c'est-à-dire quand il fait jour, mais que la tempête assombrit tout, on sent que c'est des filtres bleus un peu dégueux, ouais. Surtout que des fois, ils sont par-dessus les lumières. Oui. Du coup, il y a un reflet bleu sur les personnages, enfin sur les acteurs. Donc, ouais, et sur les lampes aussi. Ça se voit, c'est très étrange. C'est-à-dire, des fois, les lampes sont bleues. Et pareil, à la fin, il y a une scène de coucher de soleil où tu vois que c'est un filtre orange un peu raté. Par contre, les scènes vraiment de nuit ou les scènes d'intérieur, c'est assez léché au niveau de la lumière, des jeux d'éclairage et de la photographie, je trouve. Ah, globalement, techniquement, le téléfilm est réussi. Hein. Ouais, c'est clairement le plus ambitieux qu'on ait vu en téléfilm depuis le début. Le remettant dans le contexte de son époque, attention, encore une fois. Oui, après, même par rapport à des films plus récents, Salem, ça a été fait 8 ans plus tard, je crois. Aussi donc il y a des meilleurs moyens techniques, mais ça reste, je trouve, inférieur au point de vue de la volonté artistique. Pour moi, c'est bon, je pense qu'on peut passer à la petite analyse de scène. Ouais. Vas-y. C'est parti. It's the calm before the storm. False sense of security. Sure to be a fortune. Alors cette rubrique aussi va être un peu différente de d'habitude puisqu'il ne va pas y avoir de lecture, nous allons juste vous passer une scène du film et en parler un peu plus en détail. Et en scène culte, qu'avons-nous choisi ? La chute du phare. Voilà. Ça alors ? Regarde, Buster, le phare s'effondre ! Ça y est, il bascule ! Chérie, notre phare est dans l'eau. Hé, hey Angie, qu'est-ce que tu dis de ça? Angie? Angela! Est-ce que tu... Angie! Angela! Madame Kingsbury? Davy? Angie! Elle était là tout à l'heure. Angie! Oh, maman! T'inquiète pas, mon chéri. Elle a dû aller se mettre au chaud. Madame Kingsbury! Madame Kingsbury! Tout le monde rentre! Dépêchez-vous de rentrer! Vite! Pourquoi, à l'intérieur, tout de suite! Restez tous groupés! Rentrez, je dis! Vite! Rentrez! Allez vous mettre à l'abri! Dépêchez-vous! Allez, allez, allez! Est-ce que tu veux pas qu'on lise le script? On fait les voix des personnages. En prenant des accents, enfin des voix à la Nicky Larson. Ah, je suis le méchant! Mon dieu, le phare va tomber! Je sais tout de ton enfant, il en perd sa moutte, la mammouth! Je sais qu'il ne s'appelle pas Mammouth, mais ça m'énerve. Donc, voilà, c'est une scène qui est assez symbolique dans le film, parce que comme on l'a évoqué, le phare, ça sert un peu de baromètre à l'avancement de la tempête tout du long. Donc le phare qui s'écroule, c'est un peu le signe qu'on a atteint le pire du pire de la tempête, et qu'à partir de là, elle peut juste s'éloigner, et qu'elle va peut-être mettre très longtemps à s'éloigner. Oui, et puis il y a une vraie tension pendant toute cette scène, avec une grosse partie des personnages qui, impuissants, regardent leur phare s'écrouler. Oui. Le phare qui semble être là depuis la construction de cette ville. Ils en parlent comme si c'était important pour eux. C'est vraiment le symbole de leur ville. Oui, c'est ça. Bah, c'est aussi un peu ce qui les relie au reste du monde. Le premier truc que voient les gens quand ils arrivent, j'imagine. C'est le phare, ouais. Donc, ouais. Il y a ce côté symbolique. Il y a le fait aussi qui paraissait solide, qui paraissait incapable de s'écrouler. C'est ça, et donc du coup le fait que lui-même s'écroule, bah, c'est la fin de tout au final pour ces personnages-là. Mmh. Et il y a aussi, durant cette scène-là, alors du coup c'est fait de manière un petit peu ridicule, mais il y a des personnages qui disparaissent pendant la scène, qui sont tirés hors de l'écran, on dirait que c'est vraiment façon dessin animé. Oui. Ça c'est comme dans les vieux dessins animés où t'as un personnage qui arrive avec un espèce de grand crochet, qui le met autour de la taille de quelqu'un, qui la tire vers l'arrière. Ça aurait été intéressant qu'en fait on ne les voit pas du tout disparaître, qu'ils soient juste là, et puis sur le plan d'après ils sont plus là. Oui, parce que... Mais qu'on s'en rende à peine compte dans un premier temps, tellement on est concentré sur le phare. C'est ça qui donne un petit peu la scène ridicule, c'est vraiment le personnage est là, et on le voit tirer en arrière, et bon, c'est pas très bien fait. J'ai l'impression qu'en fait, il y a une tendance à expliciter beaucoup de choses. Quand c'est King qui écrit les scénarios, il a peut-être tendance à trop vouloir expliciter à l'image. Est-ce que c'est un défaut d'auteur de roman qui, du coup, ne se rend pas compte de tout ce que peut faire passer une image, sans avoir à le dire en mots, je veux dire? Je sais pas. Parce que là, oui, un simple travail de montage aurait rendu ça tout aussi... Parce que dans le chaos, on n'aurait pas fait attention, en fait, au fait que des personnages disparaissent, et on s'en serait rendu compte, bah, comme les habitants de la ville, seulement après. Parce que le moment où ils s'en rendent compte, par contre, est plutôt chouette. Oui, il fonctionne bien. Puis il y a aussi le fait que c'est la première fois qu'ils ressortent depuis un moment, au moment où ils vont voir le phare. Ils ont passé la nuit dans la tempête... Oui, donc du coup, ils se rendent compte de l'apocalypse qui commence à s'abattre peu à peu sur leur petite île. Ouais. Ils savent que Linoche s'est échappé à ce stade-là. Je ne sais plus. Bonne question. Je ne sais plus à quel moment ils l'apprennent, mais il y a déjà eu plusieurs morts, en tout cas. Et ils ont déjà eu leur rêve un peu étrange. Tu sais, quand il y en a qui rêvent des bulletins météo du lendemain. Alors, d'ailleurs, ce passage-là est plutôt réussi. Oui. Parce que c'est le tout début de l'épisode 2, il me semble. J'aurais dit 3, moi. Ah, c'est peut-être le tout début, t'as peut-être raison. C'est peut-être le tout début de l'épisode 3. Et donc, on se dit, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une ellipse. Et vraiment, en tant que spectateur, on se dit, mais il y a eu une ellipse. Et donc, on voit un journal télé qui nous raconte que bah, tous les habitants ont disparu, donc on sait pas trop ce qui leur arrive. Et à la fin, on est repropulsé dans la réalité où le présentateur du journal s'adresse directement à un des personnages en lui disant « Mais tu ne seras jamais une star de basket. » Oui. Et du coup, ça ressort, ça ramène le téléspectateur dans l'angoisse du personnage, en fait, qui lui se réveille en sursaut. Et après, on apprend qu'ils ont tous fait ce petit rêve. Ce passage-là fonctionne très très bien. Ouais, c'est juste dommage que le montage ait pas été un peu plus, entre guillemets, foufou à ce moment-là, pour encore plus souligner l'aspect onirique de la scène. Mmh. Et dans mon souvenir, c'est dans cette scène-là, ou alors c'est un peu avant, il y a un sermon télé, d'un évangéliste quelconque, qui parle des secrets, du fait de dissimuler les secrets et compagnie. Je trouve ça un peu dommage, parce que ça explicite trop le message que veut faire passer King. Oui, mais t'as raison, c'est dans cette scène-là. Mais voilà, c'est le petit reproche, parce que sinon, ouais, sinon le début de l'épisode marche super bien. Alors après, il se trouve que moi, en fait, sur mon DVD, j'ai le film sur, en un seul bloc, enfin coupé sur deux faces, mais la coupure est vraiment faite à la schlag, à la marque de 2h13, entre deux scènes, limite au milieu d'une réplique. Donc en fait, je profite pas réellement du découpage télé, je savais où étaient les coupes, mais parce que j'ai lu le scénario avant. Et ça se sent un peu, mais c'est dommage de pas avoir conservé un minimum ce découpage. Oui, parce que du coup, pour toi, cette scène-là s'enchaîne avec une scène d'avant. Ouais. Du coup, c'est quoi la scène qui précède ? Je ne sais même plus, je me demande si c'est pas Linoge aux femmes. Mais je suis pas sûr, là. Parce que vraiment, en tant que spectateur, bah, tu termines l'épisode, t'as un générique de fin, et puis après, bah, vu que tu commences un nouvel épisode, tu peux te dire qu'il y a eu une ellipse, tout simplement. Oui, voilà, c'est ça. Chose que tu dois peut-être moins ressentir, oui, effectivement, quand t'as un montage vraiment tout collé comme un film. Bah, t'as l'impression d'une ellipse, mais d'une ellipse vraiment dégueu. Oui, d'une ellipse mal branlée. Ouais. ce qui est le cas aussi avec le fait qu'il y a souvent des fondus enchaînés pour les coupures pub, pour le passage d'une scène à l'autre, et des fois, il y a des fondus enchaînés limite sur le même plan, donc ça fait très bizarre. Ah oui. Notamment le moment où... dans la prison où il y a quelqu'un qui veut tirer sur Linoge et qu'on croit qu'il tire sur Mike à la place, il y a un enchaînement de plans très étrange parce qu'il y avait une coupure pub à ce moment-là qui rendait ça cohérent, mais quand tu mets tout bout à bout, t'as l'impression que c'est une erreur de montage. Ouais, ça aurait pu être retravaillé un petit peu pour... Ouais, voilà. Mmh. Non, là, ils ont vraiment juste tout collé bout à bout. C'est... Ouais, ils s'en foutaient, quoi. C'est un gros travail de sagouin. Ok. Non, mais je veux dire, le DVD, il y en a aussi une édition qui existe avec 8 autres films collés dans le DVD, quoi. Ah ouais, d'accord. Les mecs, ils ont vraiment fait du cheapo, ça mort sur certaines versions. Ah ouais, quand même. D'accord, bravo. Bravo les mecs. Après, bon, avec Tweaking qui ressort, on va bien avoir le droit à la version Ultra Kashka en Blu-ray Collector, Steelbook. Oh, j'ai quand même un doute pour ce film-là. Hein. Il y a Peur Bleue qui arrive. Ah ouais. Moi, je place quand même Peur Bleue au-dessus de La Tempête du Siècle, au-dessus de Peur Bleue. Je pense que même Dreamcatcher restera au-dessus de Peur Bleue. Je veux dire, à la limite, Maximum Overdrive, il a un statut culte, mais Peur Bleue en steelbook. Bref, on dérive, mais bon. Oui, voilà. Mais Maximum Overdrive qui est ressorti en belle édition, c'est chez ESC il n'y a pas longtemps. Ouais, après, oui, c'est ESC, donc il y a probablement un très bon travail. Mm. À la limite, je me le prendrais presque. Ouais, limite, ouais, voilà, ça donne limite envie. Mm. Surtout s'il peut avoir des bonus intéressants. Ouais. Moi, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur La Tempête du Siècle. Oui, je pense qu'on a fait, le tour. Bah, on va pouvoir passer à la partie classement. Donc évidemment, il n'y a qu'un classement à faire cette fois-ci, le classement film. Ça fait du boulot en moins pour moi. Est-ce qu'on lit encore une fois tout ? Ouais, là, ça sera le 11e, donc pour le plaisir. Donc, le classement film, nous avons en premier Carrie de Brian De Palma, suivi de Chambre 1408 de Michael Salomon, Cimetière de Marie Lambert, Quicksilver Highway de Mick Garris, Couple modèle de Peter Askin, Salem de Michael Salomon, Dreamcatcher de Lawrence Kasdan, La Tour Sombre de Nicolas Jarcel, Les Démons du Maïs de Donald P. Borcher et Le Fléau de Mick Garris. Alors, où est-ce que toi tu mettrais La Tempête du Siècle ? Alors. Est-ce que t'as besoin d'aide ? Alors. J'hésite entre deux places. Ah ! Pour moi, ça va soit au-dessus, soit en dessous de Quicksilver Highway. Alors pour moi, ça va indéniablement en dessous. Parce que je trouve Quicksilver Highway beaucoup plus fun. Oui, que la tempête mais du siècle. La tempête du siècle, disons, oui, il est moins fun, mais il a quand même un bon développement de personnage. Il y a des scènes qui fonctionnent vraiment super bien au niveau de l'ambiance, donc j'ai aussi un peu envie de valoriser ça. Après, Quicksilver Highway, ouais, le développement de personnage est imputé dans le fait que déjà ça dure pas 4 heures. Oui. Et, oui, ensuite, non, bien sûr. Et ensuite, c'est deux segments. Ah oui, je reproche pas à Quicksilver Highway de pas le faire, hein, c'est pas son but. Et voilà. Après, par contre, en termes de réalisation, je trouve La Tempête du siècle supérieure à Quicksilver Highway. Ouais, c'est aussi lié au budget, mais je pense que, enfin, on a vu ce que faisait Mick Garris même avec un bon budget, donc je pense que juste Craig Baxley est un meilleur réalisateur que Mick Garris. Voilà. Je trouve vraiment que c'est supérieur visuellement, réalisation, voilà. Enfin, techniquement, c'est supérieur. Toi, tu l'aurais mis où ? Maintenant, je préférerais quand même revoir Quicksilver Highway que La Tempête du siècle. Bah, c'est moins long, quoi. Moi, vraiment, je le mettrais... Je serais d'accord avec toi. Ça va quand même au-dessus de Couple Modèle, mais je le mettrais quand même en dessous Quicksilver Highway. Oui, bah, ça me va. Hein. Comme je disais, moi, c'était une des deux places. C'était soit au-dessus, soit en dessous. Donc, Pour moi, les deux sont à peu près équivalents au niveau qualité. Enfin, ils sont de la même qualité, mais juste pas pour les mêmes raisons. Voilà. Donc, cinquième place, juste derrière Quicksilver Highway. Moi, ça me va. D'accord, vendu. Très bien, et ben, on en a terminé avec cet épisode. C'était forcément un peu plus rapide que d'habitude, vu qu'il n'y avait pas à parler de roman. C'est ça, et puis bah, c'est peut-être moins culte que beaucoup d'autres, donc il y a moins de choses à parler. Ouais, après, c'est quand même considéré comme très culte par beaucoup, hein, La Tempête du siècle. Oui, mais c'était surtout pour faire un parallèle à la prochaine œuvre que l'on va aborder. Effectivement, pour la prochaine œuvre, il y aura peut-être plus de trucs à dire. Ah, rien que sur je m'attaque bientôt à la lecture d'un gros bouquin que je ne vais pas lire entièrement, consacré donc à George Romero, puisque la prochaine œuvre, c'est La Part des Ténèbres. On en profitera aussi, je pense, pour évoquer les 156 projets avortés de Romero et King. Et puis, mine de rien, là, ça fera... Ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé de vrais bons films. Et puis, je remercie Christopher de m'avoir généreusement offert son bouquin sur George Romero. Alors non. Mais le bouquin va être réédité bientôt, donc tu vas pouvoir se l'acheter. J'ai pas l'argent. Auditeur, envoyez-nous votre argent. Il va vraiment falloir... Je vous l'ai dit, je suis vénal. Il va falloir qu'on ouvre un Patreon. Donc oui, dans deux semaines, nous nous retrouvons pour La Part des Ténèbres. Grand film, grand roman, voilà. C'est pour spoiler oui, le contenu. Oui. En attendant, vous pouvez nous retrouver donc sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Alors, cinéma archiviste pour toi, mon ami. Et au gré des bulles pour toi. Je vous mettrai les liens dans la description de toute façon. On peut aussi se retrouver sur la chaîne Cinéma Archiviste. Ouais, l'archiviste du cinéma. Bon, ça fait un moment qu'elle est au point mort pour différentes raisons, mais voilà. Le contenu est toujours présent. On peut toujours espérer. Et puis n'hésitez pas à mettre des commentaires gentils, ça remotive un peu quand même. C'est ça. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Discord, n'hésitez pas à participer, ça nous encouragera peut-être à le faire nous-mêmes. C'est vrai qu'on a tendance à l'abandonner un peu. Allez, on se met comme motivation de 2020, de plus participer au Discord. Ouais, et de plus faire la promo de nos autres podcasts, parce qu'on a un épisode de La Guerre des Clèves qui est sorti, dont on n'a pas du tout parlé pour le moment. Sur Les Frissons sur de l'Angoisse. Un film ô combien aimé par notre équipe. Ouais. Et on a aussi Casse sur table, un podcast consacré au manga comics. Et quand cet épisode sortira, il y aura probablement un Casse sur table qui sera sorti quelques jours avant, je pense. Ouais. Soit qui sera sorti, soit qui ne tardera pas. Ouais, c'est ça, un des deux. En attendant, encore une fois, bonne année. Et n'oubliez pas que le vidéoclub de Castle Rock est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. À plus. À bientôt.